n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Rien n'est pareil. Et pourtant, tout est comme avant. Où es-tu? Si loin, mon amour, pourquoi es-tu si loin? Au café de nos rencontres, je m'assieds à la terrasse. J'y vois les mêmes amis, les mêmes gens. Poliment, je les écoute, je souris à leurs grimaces. Mais c'est toi que je vois, c'est toi. Et pourtant, tout est différent. Rien n'est pareil. Et pourtant, tout est comme avant. Où es-tu? Si loin, mon amour. Pourquoi es-tu si loin? Je m'arrête à la vitrine de la librairie d'en face. Puis je repars les mains vides, nez au vent. Et je continue de vivre parmi des ombres qui passent et ramènent mes souvenirs au présent. Et pourtant, tout est différent. Rien n'est pareil. Et pourtant, tout est comme avant. Où es-tu? Si loin. Mon amour, pourquoi es-tu si loin? J'ai fait rentrer quelques bûches, j'ai changé le lit de place, et j'ai fait repeindre les murs tout en blanc. Mais les nuits semblent bien longues, la solitude me glace, et le lit est devenu beaucoup trop grand. N'est pareil.